un flot de lumière, un arc-en-ciel, une étoile qui brille dans le ciel, comme un éclat de perles noires, un éclair dans le soir. Je t'ai bien dans mes rêves, clair et tranquille, tout autour de moi en équilibre, rien qui ne dépasse, bien ordonné, mes mandarines a tout changé. Un grand coup de scalpel.